Chapitre 6e. Il n'y avait pas plus de 15 jours de cela lorsque Valentin, en sortant de chez Madame Delaunay, oublia son mouchoir sur un fauteuil. Quand le jeune homme fut parti, Madame Delaunay ramassa le mouchoir, et ayant par hasard regardé la marque, elle trouva un nid et un P très délicatement brodés. Ce n'était pas le chiffre de Valentin. À qui appartenait ce mouchoir? Le nom d'Isabelle de Parme n'avait jamais été prononcé rue du Plat d'Étain, et la veuve, par conséquent, se perdait en vaines conjectures. Elle retournait le mouchoir dans tous les sens, regardait un coin, puis un autre, comme si elle eût espéré découvrir quelque part le véritable nom du propriétaire. Et pourquoi, me demanderez-vous, tant de curiosité pour une chose si simple? On emprunte tous les jours un mouchoir à un ami, et on le perd, cela va sans dire. Qu'y a-t-il là d'extraordinaire? Cependant, Madame Delaunay examinait de près la fine batiste et lui trouvait un air féminin qui lui faisait hocher la tête. Elle se connaissait en broderie, et le dessin lui paraissait bien riche pour sortir de l'armoire d'un garçon. Un indice imprévu lui découvrit la vérité. Au pli du mouchoir, elle reconnut qu'un des coins avait été noué pour servir de bourse, et cette manière de serrer son argent n'appartient, vous le savez, qu'aux femmes. Elle pâlit à cette découverte. Et après avoir pendant quelque temps fixé sur le mouchoir des regards pensifs, elle fut obligée de s'en servir pour essuyer une larme qui coulait sur sa joue. Une larme, direz-vous, déjà une larme. Hélas, oui, madame, elle pleurait. Qu'était-il donc arrivé? Je vais vous le dire, mais il faut pour cela revenir un instant sur nos pas. Il faut savoir que le surlendemain du bal, Valentin est venu chez madame Delaunay. La mère lui ouvrit la porte et lui répondit que sa fille était sortie. Madame Delaunay, là-dessus, avait écrit une longue lettre au jeune homme. Elle lui rappelait leur dernier entretien et le suppliait de ne plus venir la voir. Elle comptait sur sa parole, sur son honneur et sur son amitié. Elle ne se montrait pas offensée et ne parlait pas du galop. Bref, Valentin lut cette lettre d'un bout à l'autre sans y trouver rien de trop ni de trop peu. Il se sentit touché, et il eût obéi si le dernier mot n'eût pas été. Ce dernier mot, il est vrai, avait été effacé, mais si légèrement, qu'on ne l'en voyait que mieux. « Adieu, » disait la veuve en terminant sa lettre, « soyez heureux. » Dire un amant qu'on bannit, « soyez heureux, » qu'en pensez-vous, madame? N'est-ce pas lui dire « je ne suis pas heureuse » Le vendredi venu, Valentin hésita longtemps s'il irait ou non chez le notaire. Malgré son âge et son étourderie, l'idée de nuire à qui que ce fût lui était insupportable. Il ne savait à quoi se décider lorsqu'il se répéta « Soyez heureux !» Et il courut chez M. des Andelys. Pourquoi Mme Delaunay y était-elle? Quand notre héros entra dans le salon, il la vit froncer le sourcil avec une singulière expression. Pour ceux qui regardent les manières, il y avait bien en elle quelques coquetteries, mais au fond du cœur, personne n'était plus simple, plus inexpérimenté que Madame Delaunay. Elle avait pu, en voyant le danger, tenter hardiment de s'en défendre, mais pour résister à une lutte engagée, elle n'avait pas les armes nécessaires. Elle ne savait rien de ses manèges habiles, de ses ressources toujours prêtes, au moyen desquelles une femme d'esprit sait tenir l'amour en lisière et l'éloigner ou l'appeler tour à tour. Quand Valentin lui avait baisé la main, elle s'était dit « Voilà un mauvais sujet dont je vous préviens devenir amoureuse. Il faut qu'il parte sur le champ. » Mais lorsqu'elle le vit chez le notaire, entrer gaiement sur la pointe du pied, serré dans sa cravate et le sourire sur les lèvres, la saluant malgré sa défense, avec un gracieux respect, elle se dit « Voilà un homme plus obstiné et plus rusé que moi. Je ne serai pas la plus forte avec lui, et puisqu'il revient, il m'aime peut-être. » Elle ne refusa pas, cette fois, la contredanse qu'il lui demandait. Aux premières paroles, il vit en elle une grande résignation et une grande inquiétude. Au fond de cette âme timide et droite, il avait quelque ennui de la vie. Tout en désirant le repos, elle était lasse de la solitude. M. Delaunay, mort fort jeune, ne l'avait point aimée. Il l'avait prise pour ménagère plutôt que pour femme. Et quoiqu'elle n'eût point de dot, il avait fait, en l'épousant, ce qu'on appelle un mariage de raison. L'économie, l'ordre, la vigilance, l'estime publique, l'amitié de son mari, les vertus domestiques en un mot, voilà ce qu'elle connaissait en ce monde. Valentin avait, dans le salon de M. Les Andelys, la réputation que tout jeune homme, dont le tailleur est bon, peut avoir chez un notaire. On n'en parlait que comme d'un élégant, d'un habitué de Tortoni, et les petites cousines se chuchotaient entre elles des histoires de l'autre monde qu'on lui attribuait. Il était descendu par une cheminée chez une baronne. Il avait sauté par la fenêtre d'une duchesse qui demeurait au 5e étage, le tout par amour et sans se faire de mal, etc., etc. Madame Delaunay avait trop de bon sens pour écouter ces niaiseries. Mais elle eût peut-être mieux fait de les écouter que d'en entendre quelques mots au hasard. Tout dépend souvent ici-bas du pied sous lequel on se présente. Pour parler comme les écoliers, Valentin avait l'avantage sur Madame Delaunay. Pour lui reprocher d'être revenu, elle attendait qu'il lui en demandât pardon. Il s'en garda bien comme vous pensez. S'il eût été ce qu'elle le croyait, c'est-à-dire un homme à bonne fortune, il n'eût peut-être pas réussi près d'elle, car elle eût senti alors trop habile et trop sûre de lui. Mais il tremblait en la touchant, et cette preuve d'amour, jointe à un peu de crainte, troublait à la fois la tête et le cœur de la jeune femme. Il n'était pas question dans tout cela de la salle à manger du notaire. Ils semblaient tous deux l'avoir oublié. Mais quand arriva le signal du galop et que Valentin vint inviter la veuve, il fallut bien s'en souvenir. Il m'assurait de sa vie qu'il n'avait vu un plus beau visage que celui de Madame Delaunay quand il lui fit cette invitation. Son front, ses joues se couvrirent de rougeur. Tout le sang qu'elle avait au cœur reflua autour de ses grands yeux noirs, comme pour en faire ressortir la flamme. Elle se souleva à demi, prête à accepter et n'osant le faire. Un léger frisson fit trembler ses épaules, qui cette fois n'étaient pas nues. Valentin lui tenait la main. Il la pressa doucement dans la sienne comme pour lui dire « Ne craignez plus rien, je sens que vous m'aimez. » Avez-vous quelquefois réfléchi à la position d'une femme qui pardonne un baiser qu'on lui a dérobé? Au moment où elle promet de l'oublier, c'est à peu près comme si elle l'accordait. Valentin osa faire à Madame Delaunay quelques reproches de sa colère. Il se plaignit de sa sévérité, de l'éloignement où elle l'avait tenu. Il en vint enfin, non sans hésiter, à lui parler d'un petit jardin situé derrière sa maison, lieu retiré, à l'ombrage épais, où nul œil indiscret ne pouvait pénétrer. Une fraîche cascade, par son murmure, y protégeait la causerie. La solitude y protégeait l'amour. Nul bruit, nul témoin, nul danger. Parler d'un lieu pareil au milieu du monde, au son de la musique, dans le tourbillon d'une fête à une jeune femme qui vous écoute, qui n'accepte ni ne refuse, mais qui laisse dire et qui sourit. Ah, madame, parler ainsi d'un lieu pareil, c'est peut-être plus doux que d'y être. Tandis que Valentin se livrait sans réserve, la veuve écoutait sans réflexion. De temps en temps, aux ardents désirs, elle opposait une objection timide. De temps en temps, elle feignait de ne plus entendre, et si un mot lui avait échappé, en rougissant, elle le faisait répéter. Sa main, pressée par celle du jeune homme, voulait être froide et immobile. Elle était inquiète et brûlante. Le hasard qui sert les amants voulut qu'en passant dans la salle à manger, il se retrouvât seul, comme la dernière fois. Valentin n'eut pas même la pensée de troubler la rêverie de sa valseuse, et à la place du désir, Madame Delaunay vit l'amour. Que vous dirais-je? Ce respect, cette audace, cette chambre, ce bal, l'occasion, tout se réunissait pour la séduire. Elle ferma les yeux à demi, soupira, et ne promit rien. Voilà, madame. Par quelle raison Madame Delaunay se mit à pleurer quand elle trouva le mouchoir de la marquise?